Ok. Je mène une vie de civil, tout comme toi, tout comme lui. Je suis sorti du ventre et je finirai dans ce cercueil comme toi et lui. Tout comme Louis de Finesse, je croque la vie à plein dents. Avec la rage, une telle finesse que je t'en tue poliment, sans faire semblant. Pour toi, je suis le reflet d'une étoile. Alors tous ceux qui se font courser par les mecs à l'insigne de l'étoile. Un simple civil, tout comme mes gars qui charbonnent, qui sont là pour faire de gros sous, pas comme ceux qui te balancent et qui te donnent. Si, si, dalle, dalle, enlève-moi cette vie de star, celle qui pousse mes connaissances à mal parler de moi quand je dis au revoir. 3 ans déjà, donc 3 ans plus tard, toujours le même mec des blocs au système que des gars du shoot star. Shit, merde, influencé par trop de chats, ces michetos et gros pis qui abusent de l'homme finissent par une chute. Le plus important c'est l'atterrissage, qui dit que le vrai succès est celui de l'amour des parents en héritage. M'amène, pourquoi se prendre la tête quand la foi est sincère, autant que les larmes que verse père et mère. M'amène, pourquoi me priver des hasanat mes prières. Moi aussi charbonne pour faire des sous, car le succès est éphémère. Mon frère, malheureusement j'aurai toujours le compte gonflé, d'orago et rumeurs comme les légendes ton quartier. Ces légendes qu'ont apprécié le mal dans le bien, dédié aux brigantés qui décompressent dans la baise ou le joint. Le même colonisateur toujours à son poste, mec des clubs, du sang du Don Sleeve à la West Coast. Préviens tes civils que je traîne dans la même zone, ED, Lidl, Plandau ou Rue de Saint-Périod. Je n'appartiens à aucun fan, à aucune femme, à aucune forme d'homme dans ce monde, à aucune femme. Comme toi, je suis qu'un libre civil, bouffe pas mon oxygène, car la vie s'effrite si vite. Je n'appartiens à aucun fan, à aucune femme, à aucune forme d'homme dans ce monde, à aucune femme. On peut passer de l'affiché à l'afficheur, ça part d'en bas, un démarrage en côte vers le bonheur. J'ai la rime beaucoup trop près de la falaise, sans chute vertige, des mecs beaucoup croient balèze. À 22 piges, j'ai voulu connaître le vide. Merci à ceux qui m'ont servi de filtre contre la nicotine de la vie. Quand je passe mon temps à mettre ma cendre sur une feuille, en espérant que le rap me sert de patch. La vie est match, qu'on croit pouvoir commenter sur un fauteuil, mais on est tous sur le terrain à courir derrière les aiguilles de la swatch. Voilà pourquoi je rappe, pas pour celles qui fantasment sur ma voix, dis-leur de me lâcher la grappe. Car depuis que Sopra est sous l'halogène, pour Saïd le succès est un poumon qui s'approprie son oxygène. Pourtant, faut que j'assume, c'est mon taf, je l'ai choisi. J'ai toujours su que si ça marchait, y'aurait des stans et des groupies. Mais je m'habitue pas aux mains serrées avec des ordines, ni au regard posé sur le volume de mon caddie. Je suis pas ton idole, ce poids est trop lourd pour mes épaules. Un autographe, ok, mais ne t'accroche pas à mon auréole. Ma simplicité me fait souvent défaut. En plus, je suis parano, j'ai l'impression que ma vie passe aux infos. Elle se transforme de lèvres en lèvres. La salive des putes lave mon linge sale, surtout depuis que j'ai perdu mon love. Lève ses jumelles, tu pointes sur mon quotidien, tu auras rien. En plus, c'est le même que le tien, je m'occupe des miens. Voilà où part mon fric, car dans une chute, les poches pleines de cuivre tombent beaucoup plus vite. Hé, Sopra, t'en bats les couilles, t'as raison. Profite de ta vie de civil. Mais d'abord, dis-leur à tous que je n'appartiens à aucun fan, à aucune femme. A aucune forme d'homme dans ce monde, à aucune femme. Comme toi, je suis qu'un libre civil, bouffe pas mon oxygène, car la vie s'est prise si vite. Je n'appartiens à aucun fan, à aucune femme, à aucune forme d'homme dans ce monde, à aucune femme. On peut passer de l'affiché à l'afficheur, ça part d'en bas, un démarrage en côte vers le bonheur. Je suis civil, sans bombeur, sans brassard orange. Je roule pas en safran 2 litres 2, pas de flashball sur la hanche. Je suis pas un justicier, je suis pas rentré dans vos blocs armés. C'est mon langage qui effraie, ma foi je suis comme toi, un civil. J'enfile pas le bleu, répare ma Clio en tote. Serre-moi le poignet, fais fumer le fameux. Depuis microbe, j'ai la tchatch. Rêve de piloter comme Coulthard d'un Countach. Je suis pas trop clash dans mes rédacs, je m'inspire souvent de moi, de la vie de Bimbin, de la SFM, cabron ou pneu de soldat. Ça c'est des locataires, on réside la même terre, possède des mêmes termes, crache les mêmes glaires. Je me fie au regard de ces gens qui m'ont vu pleurer. Tout ce qui s'élève se rabaisse, hein. Des quatre figures, c'est pas ce qui manque au quartier. Le rap c'est mon réseau, tu me dévisages à croire que tu veux que je marche à poil, péro, j'ai le bourreau. Mes petits cousins de la ligne 26 ne troquent pas d'autre style. Ils riment à leur compte, ils régleront leur compte sur vinyle. En attendant, on rôde pour rien, on est des civils, se font facile dans la masse, habillés à la mode de notre ville. Je veux qu'on se croise, qu'on dialogue. Je fréquente parfois les grands axes. Je suis comme Renault, ma notoriété m'empêche pas d'être relax. Même si dans les bains foules, certains ont trop de jus et lâche prise. L'idolâtrie, moi ça m'électrocute et mon culte. Je veux pas le connaître, j'aime être dans le flou. Tout visé à la lunette, mais t'y coup. C'est le tarif minimum. Comme l'a si bien dit, celui qui m'a signé, merci à l'homme. Je n'appartiens à aucun fan, à aucune femme, à aucune forme d'homme dans ce monde, à aucune femme. Comme toi, je suis qu'un libre civil, bouffe pas mon oxygène, car la vie s'effrite si vite. Je n'appartiens à aucun fan, à aucune femme, à aucune forme d'homme dans ce monde, à aucune femme. On peut passer de l'affiché à l'afficheur, ça part d'en bas, un démarrage en côte vers le bonheur. C'est vers le bonheur, on va aller, pas autre part. démarrage en code. On essaie de maîtriser depuis qu'on est petit. Il n'y a pas de maquillage sur tout ce qu'on dit. Rien, on est des sacrifères. Ça vient comme ça vient, tu vois. À Marseille, tous les artistes, tu les vois n'importe où. Y'a pas de ça. Ouais, y'a pas.